Alors, donc j'introduis très brièvement la séance en te présentant, très rapidement aussi ton travail, et puis après je te laisserai libre champ sur ça. Donc Yaan Chuang est doctorante à terre au sein du GEMAS. Donc c'est un laboratoire intitulé Groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne à l'Université Paris 4. Je ne savais pas qu'il y avait ce labo, ça m'a interpellée. Sa thèse a pour objet la question de la mobilité économique et urbaine des migrants chinois à Paris depuis les années 80. Et on envisage du coup la question de... Très perturbant. Envisage donc la question de l'intégration et de son dépassement au croisement notamment donc, de plusieurs méthodologies qui utilisent la sociologie des migrations, la sociologie du travail, la sociologie urbaine. Et en plus de ça, de ces différentes méthodologies, tu fais aussi jouer différentes questions de différents concepts, donc de genre, de classe, de race, pour appréhender la situation et les pratiques des migrants chinois à Paris. Par ailleurs, tu t'appuies, donc là je reprends le mot parce que j'ai bien aimé, sur une ethnographie multisite donc pour ton terrain, le quartier, la ville, la société nationale et l'espace transnational même, avec justement la question de cette sociologie des migrations que tu fais. Et du coup, ça permet toujours de penser cette question de l'intégration et son déplacement à plusieurs échelles. Donc, tu peux imaginer que pour le séminaire qui était intitulé cette année In Situ, on était assez ravis du coup de te recevoir pour justement en apprendre un peu plus sur cette sociologie urbaine que tu pratiques. Alors, plusieurs des axes de ta recherche croisent les réflexions qu'on mène nous au sein de ce séminaire. Dans la communication que tu vas nous présenter, qui est intitulée donc « Elle gagne plus, mais je suis mon propre maître, quelle autonomie des travailleurs, travailleuses sans papier chinois à Paris ?» Donc dans cette communication, on peut notamment distinguer trois axes très rapidement. D'abord, une étude de la domination au sens large, via notamment la question des parcours migratoires des femmes, de leur manque d'accès aux ressources économiques et de la division sexuelle du travail. Donc voilà, d'abord une étude de la domination. Cette étude de la domination, tu l'as fait par rapport à une approche intersectionnelle, hein, d'ailleurs tu utilises le terme, sur des femmes minoritaires, donc des femmes chinoises migrantes et sans papier. Donc là on a une sorte de cumul un peu des minorités, mais justement avec l'intersection on voit que c'est pas une addition des dominations, mais que ça va bien au-delà. Donc des femmes minoritaires qui sont en position subalterne sur le marché du travail informel en plus, donc du coup vraiment situé en dehors des logiques habituelles de production. Et troisième axe de ton travail qui croise aussi donc, nos réflexions, c'est toujours cette réflexion plus large que tu mènes sur la question de la puissance d'agir et de l'autonomie des individus, ici en situation de précarité, a priori, et tu essayes vraiment de penser leur capacité à préférer une forme d'exploitation à une autre, à faire jouer les possibles, à tenter d'améliorer leur sort, et du coup d'essayer comme ça de déjouer un peu cette vision stigmatisante du travail informel qu'on peut avoir et d'essayer de penser l'économie de la débrouille d'individus qui sont envisagés non pas comme des victimes mais comme des sujets et des acteurs. Et ça se retrouve dans d'autres de tes communications, celle sur la vie des idées notamment.fr aussi, qui était vraiment un article qui m'a énormément appris sur mon espace parisien au quotidien. Et voilà, donc cette brève présentation, je te laisse la parole, prends le temps de nous présenter ta communication. Merci pour cette présentation très complète. J'ai l'impression que je n'ai plus besoin de parler de mon concept, et il faut juste ajouter des idées et des exemples. Mais bon, dans ma thèse, j'ai essayé d'apporter des questions politiques, des questions de domination, mais aujourd'hui je peux simplement présenter un chapitre de ma thèse. En fait, j'avais fait deux ans et demi de terrain à Paris, et aussi un petit peu en Chine. Donc durant ces deux ans et demi, j'avais rencontré presque 59 travailleurs sans papier. Parmi ces 59, donc, il y a 25 qui sont des femmes. Donc, c'est un travail ethnographique. Je l'ai rencontré une partie dans le mouvement des sans-papiers organisé par la CGT en 2009. Et par là, j'ai pu encore connaître un autre groupe de femmes qui n'étaient pas dans la greffe, qui font d'autres métiers autres que confection. Donc, je l'ai suivi pendant deux ans et demi, en suivant leur trajectoire et en travaillant avec elles dans le quotidien, parfois on va sortir de Paris, fête, pique-nique, etc. Ça m'a bien mis de suivre leur trajectoire migratoire, mais aussi trajectoire professionnelle de façon un peu plus longue que les entretiens biographiques. J'ai pu aussi rencontrer certaines de leurs familles en Chine en 2011. Donc, dans cette communication, ma problématique principale sera donc que pour ces travailleuses immigrées qui sont prises dans la situation clandestine, dans les métiers genrés et aussi dans l'économie informelle, donc comment se manifeste leur puissance d'agir? Donc, en clair, comment elles négocient leur marge de manœuvre sous toutes ces diverses contraintes, à la fois du droit de travail, mais aussi du droit de séjour. Et en traçant leur trajectoire, on trouve que en fait, le lieu du travail devient des enjeux centraux dans leurs négociations sur la condition du travail, et sur la définition de bon et mauvais travail, sur qu'est-ce qui est acceptable, tolérable et qu'est-ce qui sont moins tolérables. Donc, je vais aborder plus tard en présentant l'exemple de deux groupes de travail, des travailleuses. Le premier, ce sont des travailleuses dans la confection qui ont choisi de travailler, ont choisi entre guillemets, mais qui ont travaillé chez eux. Le deuxième groupe, ce sont des manucures qui étaient domestiques avant et qui sont devenus manucures. En montrant leur trajectoire et leurs paroles, on va regarder qu'est-ce que ça vous dit pour elles, des bonnes conditions de travail et de l'autonomie. Mais bref, est-ce qu'il y a une possibilité d'écrire? Non, il n'y a pas une table. Alors, je vais regarder juste s'il n'y a pas un vidéo. Sinon, je peux faire dans le papier, hein, c'est pas grave. D'accord. Ah, tiens, c'est ici mon petit destiné. Je te donne des cours. Je crois qu'on ne peut pas écrire. Ça marche? Bah, je sais pas, je me souviens d'avoir écrit sur un truc comme ça et ça n'a jamais été. Enfin, je vais faire comme ça. S'il y a quelqu'un qui a rappelé une part, ce sera moi. Là, ça va? Mais bon, tu sais, ça par contre, ça ne marchera jamais, effectivement. Donc, par rapport à cette question de l'autonomie et de lieu de travail, en résumé, on pourra dire que leur négociation, leur définition de l'autonomie du travail, leur définition de bonne ou mauvaise condition de travail, oscille entre trois pôles, entre la question de sécurité et de forme de l'autonomie. Mais d'abord, à la sécurité, je vous dis que c'est la sécurité par rapport au contrôle de police. Donc c'est la sécurité du travail, mais aussi la sécurité de leur séjour. Donc la condition pour éviter le contrôle du travail est un des critères importants pour définir cette condition, cette meilleure condition de travail pour ces travailleuses embarquées. Ensuite, on a l'autonomie dans l'horaire, aujourd'hui. Et aussi l'autonomie émotionnelle. Donc d'un côté, à quel degré, dans quelle mesure on peut contrôler notre rythme de travail au quotidien, et d'autre côté, la possibilité d'une certaine autonomie, liberté psychologique, émotionnelle. Ce sont aussi des critères importants. En regardant leur trajectoire, on trouve que cette oscillation, cette négociation entre la sécurité et l'autonomie, de fond de l'autonomie, devient donc des critères importants dans leur négociation. Et avant d'entrer dans les exemples du terrain, j'ajoute juste quelques mots sur ce concept de l'autonomie, pourquoi je trouve que c'est important, pourquoi j'aimerais bien le souligner. Donc ici, en fait, en parlant de puissance agir, en fait, qui dit la puissance d'agir, il dit aussi la conscience de dominer. Donc mes réflexions s'inscrivent dans la continuité de travail de Nicole Claude-Mathieu. Dans son travail, dans un article intitulé « Concéder n'est pas consentir », publié en 1984, Elle a bien dit que, je cite, « parler d'une position objective de classe pour les dominantes et d'une position objective de classe pour les dominés, on ne retrouve pas cette position simple dans le champ de la conscience. Il existe chez les dominés plusieurs types de conscience et de production de connaissances fragmentées et contradictoires du justement au mécanisme même de l'oppression. » Donc, du coup, en résumé, donc cette, en parlant de puissance d'agir, en fait, les femmes elles doivent adhérer aux valeurs dominantes de leur société et pour justifier, tout en sachant rester à leur propre place donnée et définie par les dominants. Donc si on emprunte cette vision que Nicole Clomature a développée, en étudiant les différents formes de violence et de domination sur les femmes dans la société primordiale, on voit qu'en fait, pour ces travailleurs sans papier, en fait, c'est à peu près la même vision contradictoire qu'on essaie de trouver une meilleure place, une meilleure condition du travail dans leur trajectoire migratoire. Ok, donc ça c'est l'introduction. Non, maintenant, mon exposé va suivre trois plans. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai quelques informations du contexte sur le processus migratoire et la division sexuelle du travail parmi ces femmes. Ensuite, donc, je vais présenter ces deux groupes de femmes, les ouvriers de confection et les manucures. Ensuite, je conclurai par quelques réflexions théoriques. Donc, dans un premier temps, sur qui sont ces femmes-là et c'est quoi leur division du travail. En effet, il faut savoir que parmi les migrants chinois de Paris, on pourra trouver d'abord une division du travail liée avec leur région d'origine. Mais cela ne veut pas que il y a un certain déterminisme géographique entre leur région et le travail qu'ils font. Simplement que c'est une conséquence due à le processus migratoire de cette population à Paris, qui est la France reste une destination assez nouvelle pour des migrations d'origine de la Chine. Pour le poser très, très schématiquement, on pourrait d'abord les diviser dans deux groupes selon le fait est-ce qu'il y a une tradition émigratoire ou non dans leur région d'origine. Donc, dans un article que je viens de publier, et je vous apportais aussi, je l'ai distingué en deux groupes. Je les appelais, nommés respectivement les aventuriers et les naufragés. Je vous fais passer. Et donc, très schématiquement, en fait, parmi les migrants à Paris, il y a deux groupes dont la population plus majoritaire sont d'origine de cette région que le numéro 1. Donc c'est la région majoritaire de population à Paris. C'est une région qui commence à avoir le lien avec la France avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1914. C'est là qu'ils sont arrivés en tant que ouvriers du champ de bataille. Ensuite, ils sont installés au après métier et commencent à vivre comme des petits commerçants. Et ce lien a été coupé après 1949, après la Chine devient communiste. Dans les années 78, quand la Chine a réouvert sa frontière, du coup, le lien a été rétabli entre Paris et cette région, Wenzhou. Et donc, la population vient de façon massive, et surtout dans les années 80 et les années 90. Et donc, il devient des populations, des entrepreneurs, classe d'entrepreneurs principales à Paris. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'une estimation très rapide, très schématique, il semble qu'il y a au moins 70% des populations chinoises à Paris sont d'origine de cette région massive. Et comme ce sont des migrations rurales, donc ils gardent la tradition entre elles, entre eux, du cours, ça a aussi facilité le réseau social, le capital social. Donc beaucoup fonctionnent comme des petits commerçants, un peu comme des Auvergnats à Paris au début du siècle. Dans la région que j'ai marquée 3, c'est aussi une autre région qui a eu une forte tradition émigratoire en Chine, mais ils sont arrivés en France beaucoup plus tardivement, surtout dans les années 90. Certaines populations qui voulaient partir en Angleterre ne peuvent pas traverser les frontières. La Manche, du coup, qui reste en France. Donc, par cet hasard, du coup, ils sont restés en copiant le modèle des émigrations tchétchènes, donc qui fonctionnent de la même façon. Et donc, dans ces deux régions, parmi les émigrants de ces deux régions, on trouve donc des profits, principalement des jeunes qui ont été motivés par une certaine rêve de mobilité sociale, de réussite. Des émigrés, ils sont surtout très très jeunes et qui veulent s'installer en France pour longtemps, hommes et femmes. Et ils sont venus surtout, souvent en tant que couple aussi, ou s'ils sont venus célibataires, ils cherchent aussi à établir leur famille ici. Du coup, qui créent un besoin de travail reproductif. Ensuite, pour le groupe que j'appelle naufragés, ce sont donc des populations d'origine de villes où j'ai marqué numéro 2 et numéro 4 dans cette région, dans ces cartes-là. Donc ce sont des émigrés qui ont souffert de la crise et la privatisation en Chine depuis les années 90. Donc ce sont souvent des hommes et femmes de l'âge moyen qui dépassent 35 ans ou 40 ans qui ont décidé d'émigrer après une certaine rupture dans leur vie. Ça peut être le divorce ou le licenciement. Donc ils ont aussi une motivation économique très forte. Sauf que le capital social et le capital humain sont beaucoup moins forts, beaucoup plus faibles que les aventuriers venant de régions rurales. Donc, parmi cette population-là, beaucoup de femmes, elles ont donc pris la place du travail domestique laissée par les jeunes femmes aventurières d'origine rurale. Et dans mes observations, cette division du travail, elle est aussi beaucoup plus présente chez les femmes que chez les hommes. Alors que les hommes, n'importe quelle origine, ils sont souvent dans des travaux plus stables comme la restauration, certains dans la construction, n'importe quelle origine. Donc chez les hommes, en fait, c'est l'âge qui joue un rôle plus important dans la division du travail. Mais chez les femmes, on trouve que vraiment le travail qu'elles choisissent sont très liés avec leurs origines. Donc les jeunes aventuriers sont souvent entrés dans le travail plus typiquement, le travail salarié qui appartient aux immigrés plus typiquement, dans la restauration, conserveuse, mais aussi des confections, qui est un métier toujours où les femmes immigrées sont toujours très présentes à Paris. Et du coup, elles ont laissé des travaux, elles ont sous-traité le travail domestique pour des femmes plus âgées, souvent d'origine urbaine. Ok, donc après cette présentation sur ces deux groupes de femmes, on va donc voir comment dans ces deux conditions de travail est définie différemment la condition plus acceptable de leur travail, comment est définie la sécurité et l'autonomie dans leurs propres conditions de travail. Je commence par les travailleurs de confection. Donc chez les travailleuses de confection, on trouve un éloge sur travail chez soi, c'est-à-dire confection, on est chez soi. Je vais commencer par présenter le premier, Le premier exemple, c'est un couple qui s'appelle Monsieur et Madame Xia. Si on est chez des immigrés chinois à Paris qui travaillent dans la confection, ils se situaient souvent dans la chaîne de la délocalisation sur place à Paris. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'entrepreneurs de Chinois arrivés dans les années 80 qui sont enrichis en gérant des ateliers de sous-traitance de confection pour le sentier ou pour d'autres marchés de commerce de gros importants à Paris. Et donc les jeunes émigrés d'origine rurale, ils sont entrés dans cette chaîne de délocalisation sous place directement par des réseaux de connaissances. Donc le premier couple que je vais présenter, c'est donc un des exemples assez représentatifs sur la condition du travail de ces gens des émigrés. On voit beaucoup de couples. Donc Monsieur et Madame Xia, ils sont arrivés en Paris dans les années 2002. Et ils ont seulement un cousin qui est déjà s'installé à Paris. Donc par leur aide, ils sont d'abord s'installés, logés chez eux. Donc ils ont appris comment confection. En Chine, ce sont des petits entrepreneurs, ils avaient un atelier de chaussures. Donc ici, ils devaient apprendre la confection à partir de zéro. Donc après un mois, avoir témoigné de A à Z comment faire la confection, donc ils ont donc monté leur propre atelier. Et afin de ne pas être trouvés par la police, ils ont déménagé trois fois à Paris. Et finalement, ils ont trouvé une maison à Lacombe-Neuf où ils habitent avec leur propriétaire. Donc, ils louent une chambre dans cette maison de deux étages, mais aussi une cave souterraine dans cette maison. Donc, leur propriétaire s'est installé à Lacombe-Neuf depuis les années 90 déjà. Donc, il a habité cet espace souterrain. Il a fait exprès pour que les amis puissent utiliser en profit. Au total, ils payent 400 euros pour la chambre plus la CAF. Et donc ici, sur la photo, on voit, ça c'est à l'entrée de la CAF. On voit que je descends un escalier et on voit des tissus par terre. Là, je mets un tissu par terre. Et ensuite, donc c'est là où ils travaillent. C'est un espace de 10 mètres carrés au plus. Donc il y a 4 machines à coudre qui s'installent dans la pièce. Et ça, c'est la seule fenêtre. Et ils ont caché avec un tissu noir. Et on voit aussi des vêtements partout, etc. Moi, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est justement l'ironie sur Made in France. Parce que dans cette idée, ils ont marqué fabriqué en France, mais en fait, c'est ça ne garantit rien en fait sur la meilleure qualité ou meilleure condition de travail. Donc, grosso modo, en fait, eux, ils confectionnent pour un patron qui tient un magasin de commerce de gros situé à Aubervilliers. Donc c'est vraiment juste à côté. Et leurs conditions, leur revenu dépendent tout à fait à cet entrepreneur qui les fournit des commandes, qui définit le rythme du travail, etc. Mais si cette situation nous paraît comme une exploitation pure et dure, dans les paroles de Monsieur et Madame Xia, ils considèrent ça pourtant comme une situation plus relaxe par rapport au travail dans un atelier de confection. Pourquoi ? La première raison, c'est le rythme. L'autonomie temporelle vient ici. Parce que ce couple, ils rapprochent 40 ans cette année déjà. ils sont arrivés à l'âge de 32-33 ans. Donc, ils m'ont expliqué que, en fait, dans l'atelier, quand il y a beaucoup de travailleuses très jeunes, et dans un système où on calcule par pièce, salaire de pièce, là, la vitesse joue un rôle très important dans leur revenu. Donc, si ils sont mis en concurrence avec ces travailleuses très jeunes, en fait, souvent, ils ne peuvent que prendre les pièces plus compliquées et difficiles à faire. Et ça, c'est plus fatigant et ça baisse leur revenu. Alors que quand ils travaillent tout seuls avec eux, ils se sentent qu'il y a certaines marges de négociation avec leur propre employé. Ils m'ont décrit que si un jour l'employé leur donnait des pièces plus compliquées à faire, il peut dire « Ah, la prochaine fois, vous me donnerez des choses plus simples à faire. » Ça, c'est la première condition de négociation. Ensuite, ils trouvent qu'aussi, ils sont plus à l'aise. Ils se sentent plus à l'aise dans ce processus du travail. Ils me décrivent qu'ils se lèvent, ils prennent le petit déjeuner concrètement. Ils travaillent jusqu'au 8 heures du soir, 18 heures. Et quand il s'agit de haute saison, parfois ils finissent à minuit. Bien sûr, il y a des saisons plus tranquilles où ils n'ont pas grand-chose à faire, comme maintenant, durant les Noëls. Dans leur langage, ils disent qu'on s'amuse tout le temps durant les Noëls parce qu'il n'y a pas de commandes. Donc, mais pour eux, en fait, dans ce rythme du travail, en travaillant chez soi, ils trouvent qu'ils ont plus d'autonomie sur le rythme du travail. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de la concurrence par rapport à la vitesse. Toutes les négociations ont eu lieu par rapport à la date limite pour rendre des pièces. Et bien sûr, cette situation est souvent nourrie aussi par une certaine fidélité avec leur employeur. Ici, pour M. Madancia, leur stratégie d'avoir une revenu dite stable dépend tout à fait à une relation fidèle avec leur employeur. Donc, ils m'ont dit que ce n'est pas une bonne stratégie d'avoir plusieurs patrons. Sinon, quand le patron nous appelle et quand on est occupé par les commandes des autres patrons, on perdra sa confiance. Donc, nous avons déjà travaillé par ce même patron pendant 4 ans et il a beaucoup de demandes. Donc, il n'y a jamais de problème. Donc, il montre une confiance très forte avec cet employeur. Et pour eux, on fait la meilleure stratégie de garder une commande stable. C'est justement de nourrir cette confiance, ces relations de confiance avec cet employeur. Oui, je vais rajouter. Mais en fait, si on regarde précisément l'interaction entre leur employeur et eux, en fait, l'employeur joue non seulement quelqu'un qui achète leur force du travail. En fait, il y a beaucoup plus de réciprocité dans leur interaction. L'employeur sont presque quelqu'un qui les protège dans une condition clandestine. Donc, parce qu'en fait, dans les propos de M. Cha, on sent souvent une certaine crainte par rapport au contrôle de police. Déjà, quand ils m'ont décrit leur trajectoire migratoire, comment ils ont trouvé cette place, ils se sentent très très rassurés. Quand j'étais dans son petit atelier, en fait, il était très fier sur ses fenêtres et sur ses... caché par le tissu noir. Ils m'ont dit, comme ça, vraiment, personne ne nous voit. Le mur est solide, on n'entend pas le bruit. Si on travaille dans un appartement à Paris, bah, ce qui est aussi la condition très, très, très, très, très courante, par exemple, dans le 11e arrondissement de Paris, dans les années 90, en fait, il y a beaucoup de familles chinoises qui s'installent aussi. Et là, on est obligé à travailler dans un appartement. Et donc, le bruit de machine, le bruit de goutte sont souvent la source de conflit. Donc, pour lui, en fait, cette forme de travail, cette petite cave, lui montrait une grande protection parce qu'on peut rester là-bas et il n'y aura pas le risque des polices. Personne ne nous découvre. Donc, pendant la saison où le contrôle de police paraît plus stressant. En fait, ils ont même demandé à leurs employeurs de faire les courses pour eux, d'acheter la nourriture, etc. Ils m'ont décrit que c'est, ils peuvent tout compter sur cet employeur. Donc ça devient donc non seulement une relation salariale, il y a aussi une forme de protection qui nourrit ce genre de fidélité. Et en effet, parmi les travailleuses que j'ai rencontrées, c'est aussi une situation assez souvent. Tous les travailleurs ne pensent pas que la fidélité est importante. Ils essaient quand même de maximiser la chance d'avoir plus de commandes, qu'on verra plus tard dans le deuxième exemple. Mais cette forme de réciprocité au nom de compatriotes, au nom des immigrés appartenant à la même communauté, c'est quand même une forme d'interaction très, très souvent, très courante, très répandue parmi les immigrés. Ensuite, on va passer au deuxième exemple, c'est Madame Zhou, c'est une autre dame qui a choisi de travailler chez elle. Donc, à la différence du premier couple dont on a parlé, dans le premier couple, ils n'ont jamais été le choix de travailler dans un vrai atelier. Mais Madame Zhou elle a commencé sa carrière migratoire en travaillant dans un atelier normal. Et ensuite, elle a décidé de travailler chez elle. Pour la même raison, c'est que depuis 2007, le contrôle de police sur les travailleurs sans papiers devient plus stressant. Il y a de plus en plus de contrôle, d'histoires de contrôle au métro ou voire dans les ateliers. Du coup, après 4 ans à Paris, elle a décidé d'acheter une machine chez elle et prendre des commandes chez elle. Et comme le premier couple, elle a aussi beaucoup, beaucoup déménagé. Elle commence par être Bobigny, ensuite à Montreuil. Finalement, elle s'est installée dans une petite deux pièces à Villejuif. Et si on regarde ses propos, il y a aussi une forme d'éloge sur travail chez soi. Et c'est là, il y a non seulement l'autonomie temporelle, mais aussi l'autonomie émotionnelle. Donc, dans un premier temps, il y a beaucoup de l'éloge sur la possibilité de contrôler son propre rythme. Donc, je la cite. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise de travailler chez moi que de travailler en atelier. Le matin, je me lève et je vais faire des courses au supermarché. À 10h30, je commence à travailler. Je peux contrôler mon rythme, je peux mettre la musique quand je veux et me reposer quand je veux. À l'usine, on n'a pas le droit de prendre la pause dans l'après-midi. Alors que chez moi, je peux contrôler mon rythme, c'est mieux. Beaucoup de Chinois ont travaillé dans l'atelier de sous-sol. Ça peut vous rendre malade. Ici, je compare ses propos avec ce que j'ai vu dans l'atelier, il faut dire que ce qu'elle a dit, c'est assez vrai. Parce qu'une fois, j'ai accompagné une autre travailleuse d'aller chercher un travail à Sentier. On est montré dans un appartement, dont il y a peut-être 3 pièces. Donc, dans la pièce de l'entrée, il y a un homme qui est comme le secrétaire, l'autre qui est en train de faire le repassage. Le patron, il est turc. Donc, la travailleuse, elle a expliqué qu'elle voulait chercher un travail, qu'elle a un papier donné par la CGT qui pouvait la garantie d'être déclarée. Du coup, le patron, il est venu et avant de la demander si elle a un travail ou... avant, elle a un papier ou pas, ou avant de la demander si elle a des expériences ou pas, il explique rapidement le rythme du travail. Et il dit, on commence à 8h, on finit à 18h tous les jours. Donc vous aurez 30 minutes pour déjeuner à midi et 10 minutes de pause café matin et après-midi. Donc c'était tout ce qu'il dit. Et on pourra voir rapidement, en fait, dans l'autre pièce, les travailleurs, ils travaillent vraiment de façon très, je voulais dire, militaire. Où il y a une certaine ambiance de terreur dans la salle quand même. Donc, pour cet entrepreneur de sentier, le temps, c'est vraiment un enjeu. Il définit clairement le rythme et la pause du travail. Donc, en comparaison, la situation de Madame Zhou, c'est vrai, il n'y a pas cette surveillance permanente. Et à la différence du premier couple que je parlais, sa stratégie de maximiser son revenu, c'est justement de multiplier les employeurs. Donc, elle dit qu'elle garde de très bons contacts avec trois différents employeurs turcs. Donc, quand elle a fini une commande, elle appelle un deuxième patron pour demander s'il voulait sous-traiter les choses pour elle, etc. Elle est très fière de cela parce que pour elle, c'est justement ça montre sa compétence en tant qu'une travailleuse rapide. Donc, elle a décrit que je n'ai pas besoin de dépendre aucun patron. Donc, c'est une façon de vous montrer que elle est très douée dans ce métier. Une autre contrainte, elle parle souvent, c'est aussi c'est par rapport à l'autonomie émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que les ateliers de confection, c'est un environnement hyper féminin. Donc, face aux entrepreneurs hommes, en fait, souvent, il y a le jeu de séduction et le jeu de pouvoir qui pourrait susciter des surveillances et des concurrences entre des ouvriers. Donc pour Madame Zhou, ça devient une vraie stress, une situation qu'elle ne peut pas supporter. Donc souvent, elle m'a décrit aussi qu'elle change, quand elle a travaillé dans des ateliers, c'est souvent des raisons, elle devait changer les ateliers justement parce qu'il y a trop de concurrence et trop de jeux de séduction parmi les ouvriers de l'atelier. Donc, si on considère que ces éloges, ces propos sur l'autonomie du rythme ou de l'autonomie émotionnelle sont juste seulement des propos qui révèlent des fausses consciences, si on considère que c'est juste le choix, qu'on n'a pas vraiment le choix, une piste très intéressante, c'est que quand ces travailleurs, ils avaient la possibilité de régulariser, en effet, ils continuent à faire des éloges sur leur l'autonomie temporelle et émotionnelle. Donc, pour M. Char et Mme Char, en fait, en 2010, en été, ils ont obtenu le papier donné par la CGT qu'il est garanti de pouvoir travailler de façon légale. Donc, ils ont trouvé un travail dans un magasin en tant que manutentionnaire. Parce que dans la confection, en fait, c'est difficile d'obtenir les accords des employeurs pour les donner des papiers et des promesses en bouche de façon stable et légale. Ça, c'est une contrainte très souvent, très spécifique de ce métier. Et donc, ils ont choisi de demander leur propre cousin qui a un supermarché et travaille en tant que manutentionnaire. Donc, un type de travail de 9h à 5h. Mais mon chat, du coup, il m'a dit que je ne suis pas habituée à ça. Avant, on était chez nous, personne ne nous surveillait et ne nous contrôlait. On travaillait jusqu'à ce que toutes les pièces soient finies et c'était bon. Maintenant, je dois finir de décharger tout un camion de riz en 3h. Pendant la première semaine, je suis presque tombée dans la bonne au retour chez moi. Donc, pour lui, en fait, la contrainte qui va avec ce rythme du travail, c'est aussi un contrainte physique et une surveillance à laquelle il n'est pas habitué parce que quand on est surveillé, il faut donc montrer qu'on est capable, physiquement, on est capable. Mais pour lui, après un mois de travail, en fait, il s'est rendu compte que en fait, ça lui vraiment manquait la vie de travailler chez soi, que ça manifeste certaines libertés pour lui. Ensuite, pour Madame Zhou, la situation, la même situation, le même compagnon se répète aussi. En fait, elle a réussi à demander à son employeur, un de ses employeurs habitués, de signer un contrat d'embauche pour elle. Mais dans un premier temps, elle a refusé de retourner travailler dans son atelier et continuer à prendre les tissus et travailler chez elle. Et si on observe son rythme de travail, en fait, elle passe souvent la nuit blanche. Parce qu'il faut quand même répondre à la date limite pour rendre ces tissus. Mais pour elle, ça l'a permis de garder une certaine l'autonomie qu'elle appréciait. Ensuite, 3 mois après, sous la demande de cet employeur, elle commence à travailler dans son usine à Bobigny. Mais cela a duré simplement un mois. Donc après, un autre groupe bagarre avec une autre femme qui est qualifiée comme la maîtresse des employeurs. Donc, elle a décidé de revenir chez elle. Donc, on voit que il semble que la sortie de la clandestinité n'a pas réellement changé leur désir pour la possibilité de garder l'autonomie d'émotion, l'autonomie temporelle dans le processus du travail. Donc, en fait, avoir le papier, bien sûr, ça garantit leur souci sur la sécurité. Ça diminue le risque d'être envoyé en Chine, d'être expulsé, mais pour eux, cela ne vous dit pas que tout devient parfait. Ok, ça c'est pour les complexes. Maintenant, je vais être un peu rapide sur les domestiques qui sont devenus des nourrices. Donc, dans le groupe des femmes dites naufragées, donc beaucoup, ils ont commencé à être à travailler étant domestiques employés par des familles chinoises. Beaucoup des employeurs sont eux-mêmes des entrepreneurs, donc ils rentrent très tard dans les nounous et passent très longtemps avec les enfants. Ils commencent du matin et finissent souvent à 22h, 23h et font le ménage, le nettoyage, mais aussi garder les enfants. Tout. Ils sont souvent payés moins de SMIC. Je crois que la salaire que j'ai entendu, c'est entre 700 à 1100. Dépend du nombre des enfants qu'ils gardent. Et ils ont souvent ils habitent souvent chez les employeurs. Donc, pour des femmes dans la situation clandestine, au début, la possibilité d'être les domestiques, c'est souvent considéré une situation très, très, très protégée, une sécurité totale. Parce que d'un côté, on habite chez les employeurs, donc il y a très peu de risques par rapport au contrôle de policiers. Ensuite, quand ils sont souvent endettés, on paye au moins 7 000 euros pour venir en Europe. Attendez. 7 000 euros pour venir. Maintenant, ça devient un peu plus. Attends. Oui, c'est 7 000 euros. Oui. Maintenant, ça peut être 100 000 euros. Ouais. Maintenant, en 2013. Mais au moment que j'ai rencontré, ils ont au moins 6 000 euros, 7 000 euros de dette. Et donc, pour venir. Et donc, là, si elle peut vivre avec les employeurs, ça garantit donc la possibilité de rembourser rapidement et pour commencer à épargner un peu d'argent. La condition de domestique, on connaît tous très bien qu'il y a une surveillance permanente. Donc la fatigue, c'est les inconvénients par les plus souvent. Ensuite, et ce sont aussi souvent un certain manque de respect de la part de l'employeur. Donc, par exemple, madame qui est venu en 2005, il m'a décrit que son employeur l'a surveillé en utilisant un caméra de surveillance. Et je suis restée 3 mois chez cette famille et j'étais très proche de leurs enfants. Un jour, après le travail, les parents m'ont montré une image de caméra de surveillance où j'ai pointé le visage des enfants à mes doigts. C'est un simple geste de plaisanterie, mais les employeurs le trouvent violent et ont décidé de me virer. Donc pour elle, c'était un des scénarios plus humiliants dans sa vie. Elle n'a jamais imaginé qu'on peut la surveiller comme ça et le reprocher. Du coup, après cela, elle commence à travailler en tant que manicure. Elle a trouvé une maître, une tutrice par le réseau dans une autre femme d'origine de la même région dont avec elle, elle a appris quelques mois dans un salon de coiffure à Château d'Eau. Et donc, en comparaison, ces deux différents styles de vie, donc, est écrit que je n'ai jamais expérimenté ça dans ma vie. Et c'est comme ça que je ne veux plus être nourrice. Oui, et gagner plus, mais au moins je suis mon propre maître en tant que manucure. Donc pour elle, le fait de travailler en tant que manucure, cela veut dire qu'on a une distinction entre la vie du travail, le temps du travail et le temps de repos, la vie intime et la vie du travail, le temps du travail. Cela veut dire qu'elle a plus de liberté et autonomie par rapport à la surveillance permanente des domestiques. Mais quelles sont leurs conditions de travail? En effet, dans un premier temps, c'est tout de suite une précarité, une situation beaucoup plus précaire par rapport aux domestiques, parce que chacun dans le salon de coiffeur, chacune loue une table avec le patron du salon, dont le loyer se diffère entre 100 à 300. Et pour chaque opération on fait, il faut encore partager moitié de revenus avec l'employeur du salon, avec le propriétaire du salon. Et donc, la saison où il n'y a pas trop de fêtes, et gagne à peu près 600 ou 800, alors qu'un domestique, c'est facile. C'est facile de dépasser 1 000 euros souvent. En plus, il faut aussi compter le loyer et le loyer de table et le loyer est payé pour leur propre logement. Donc, dans un premier temps, c'est beaucoup plus précaire et gagner vraiment pour au moins 200 ou 300 euros moins chaque mois. Ensuite, il y a aussi une flexibilité énorme parce que tout est embauché au noir. Les employeurs, il n'y a jamais aucune preuve de relation d'employeur dans ce métier. Et vivent aussi une certaine surveillance, mais là, la surveillance est par rapport à ce qu'on s'appelle les maîtres de tous ces salons. Donc, si vous allez à Château-d'Eau, on voit souvent des hommes d'origine africaine qui essaient de solliciter les clientes à la sortie du métro. Donc ces gens-là qui sont appelés comme chefs par les manucures. Donc eux, ils jouent le rôle de dispatcher le travail dans le salon. Et c'est aussi une forme de surveillance parce qu'eux, ils donnent vraiment de l'ordre aux manucures. Mais pour mes manucures, ils pensent que tout ce genre de vie, c'est quand même beaucoup moins surveillé, beaucoup moins rigide par rapport aux situations de travail en tant que domestique. Et par rapport à cette relation salariée qui est masquée, et trouve quand même que c'est plus idéal. Justement dans le fait qu'il n'y a plus cette surveillance, dans le fait qu'on a plus de l'autonomie temporelle. Et du coup, une fois, je me souviens très bien, une fois, en septembre, quand je suis allée au Château pour voir une manicure, et c'était une semaine où il y a beaucoup de contrôles policiers dans l'ensemble du quartier. Et tous les manicures, ils attendent dans la crâne et se baladent dans la rue pour éviter les polices. Sauf que quand il y a des clients, ils les ramènent dans le salon et finissent les opérations rapidement. Sinon, le reste du temps, ils sont tous soit au café, soit ils se baladent dans la rue. Donc, on discutait avec une des manicures. Il m'a donc dit que franchement, il y a beaucoup plus de risques de travailler comme ça en tant que manucure. Et parfois, je me demandais s'il vaut mieux retourner dans les foyers chinois pour être l'aide à domicile. Ça sera beaucoup plus sûr. Donc là, on voit donc un certain manque sur la sécurité, sur la protection. Mais il savait aussi que ce n'est plus possible. Donc il m'a dit, mais ayant été habitué à ce genre de vie paresseuse, comment puis-je redevenir une femme domestique? Et ici, justement, quand il en parle le mot paresseuse, on voit parfaitement la contradiction pour une femme, une travailleuse précaire et dominée. C'est-à-dire qu'il connaissait très bien que le style de vie qu'elle avait au moment, en tant que manucure, c'est une situation beaucoup plus désirable pour elle. Mais pourtant, elle s'appelait ça une vie paresseuse parce qu'elle regarde sa propre façon de vivre, conditions de travail, par rapport aux yeux des employeurs, par rapport vis-à-vis les critères des employeurs chinois qui valorisent la vitesse, la fidélité, le manque d'intimité, toutes les conditions qu'on définit pour une bonne domestique, pour une bonne nourrice. Et du coup, par rapport à cet idéal, sa vie en tant que manucure est pourtant apparue pourtant comme paresseuse pour elle. Mais si on regarde la réalité de leur vie, en fait, afin d'avoir plus de commandes possibles, plus de clients possibles, ils sont souvent là devant le magasin à 8 heures et finis à 8 heures et entre le temps qu'ils travaillent, sauf quand il n'y a pas vraiment de clients, sinon ils n'ont jamais des pauses régulières et mangent le déjeuner de façon habitos dans le magasin et vivent dans une surveillance permanente de leur chef. Et on voit donc une certaine schizophrène normatif appelé par Nicolas Mathieu. Donc, maintenant je vais faire la conclusion pour synthèse un peu. Donc si on essaie de tirer des points communs entre ces deux trajectoires, en fait le premier groupe de travailleurs, ils ont changé de l'atelier à travailler chez eux. Le deuxième groupe est l'été domestique et puis ils ont choisi de travailler dans le salon. Donc dans tous les deux groupes, on voit que quand la salaire n'est plus un enjeu de négociation et quand la sécurité du travail n'est pas non plus possible pour rassurer pour elle. Du coup, c'est peut-être pas très étonnant que chez tous les deux groupes, on voit qu'il y a une forme d'autorégulation, autodiscipline, ou bien on peut utiliser le terme de microbiology, ça devient donc il y a une pression de s'en sortir de la part de toutes ces travailleuses qui ont abandonné la possibilité de négocier un meilleur contrat ou meilleur salaire, mais qui cherchent plutôt à autodiscipliner pour accélérer leur propre vitesse, pour suivre un rythme assez tendu dans leur situation de travail. Mais si on considère que cette performance comme un symptôme, comme un comportement de consentement, un consentement de bureau, oui, mais là on voit que ces travailleuses ne sont pas non plus purement soumises. En fait, sous tous ces contrats-là, et continuer à chercher, à changer, à trouver la possibilité pour définir une situation de travail plus acceptable, plus tolérable. Ce que je n'ai pas dit sur les manicures, c'est aussi que, en fait, on reste rarement dans un même salon, parce que comme en différents salons, il n'y a jamais la même condition. Il y a souvent des chefs plus chiants que d'autres magasins. Il y a souvent des conflits entre des manucures. Du coup, parmi tous ces manucures à Châteaudun, en fait, c'est très courant d'échange aussi des magasins un après un. Afin de trouver une situation de travail plus formidable, plus tolérable. Et donc, il nous semble que dans ces recherches permanentes qui oscillent entre la sécurité et aussi et des autonomies, il nous semble qu'on pourra définir la défection, comme, c'est-à-dire partir, donc changer de métier, changer des patrons, changer des employeurs. On pourra définir ce genre de mobilité dans la précarité comme un arme de faible, weak points of the weak, pour James Scott. Et c'est donc pas une purement soumission, mais c'est une résistance et une négociation beaucoup plus compliquée sous plusieurs contraintes. Voilà, ça c'est la réflexion théorique. Et si on pourra dire un petit peu réflexion pratique ou politique à partir de ça, je dirais que quand la défection devient les options plus disponibles de ces travailleuses précaires, il nous semble que donc, évitons donc une action collective organisée selon le lieu du travail sera beaucoup plus difficile à envisager. Et il nous semble aussi donc il faut pouvoir inventer d'autres formes des organisations d'émancipation comme une organisation communautaire ou une organisation selon des réseaux sociaux, des réseaux d'origine. Okay. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.